Bien. Alors nous venons de voir rapidement la formation du pluriel, mais il faut dire qu'il y a certains mots en anglais qui n'ont pas de forme plurielle et qui ne sont pas employés avec a ou an non plus. Ces noms ont pour caractéristique qu'on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les compter. Cependant, il arrive qu'un même nom soit à la fois dénombrable et non dénombrable. Prenons un exemple. Vous connaissez déjà le mot hair, qui s'emploie sans the et signifie les cheveux. Alors, comment direz-vous elle a les cheveux longs? On avait vu un exemple semblable dans la deuxième partie. She has long hair. She has long hair, oui, donc hair au singulier et employé sans the désigne les cheveux, c'est-à-dire la chevelure. Si vous dites à une femme « You have beautiful long hairs », elle risque fort de ne pas apprécier la remarque puisque « hairs » au pluriel correspond aux poils et non aux cheveux. Donc, ça reviendrait à dire « Vous avez de beaux poils longs ». Donc, soyez particulièrement vigilant avec « hair » et « has », ça vous évitera des bévues de ce genre. Bien, alors si en parlant de votre beau-frère, vous voulez dire « ses cheveux commencent à devenir gris »,« watch out », vous faites ici référence à un changement progressif qui n'est pas arrivé à son terme et donc vous aurez besoin de la forme en « ing ». Devenir gris se dit « to go gray », littéralement « aller gris », c'est-à-dire « aller vers le gris ». To go gray. Alors, comment direz-vous, ses cheveux commencent à devenir gris? His hair is going gray. His hair, oui, ses cheveux, sa chevelure, is going gray. Ça, c'est ce qu'on dit en anglais britannique. Mais en anglais américain, Vincent, que dira-t-on? His hair is getting gray. His hair is getting gray. En effet, aux États-Unis, on emploie « to get », qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans ce sens de « devenir ».« Gray » s'écrit « G-R-E-Y » en anglais britannique et « G-R-A-Y » en anglais américain. Mais la prononciation est la même. D'ailleurs, vous trouverez dans le livret d'accompagnement les noms anglais des autres couleurs. Alors, il y a un certain nombre de noms qui, comme « hair », peuvent avoir deux sens différents suivant qu'ils sont employés comme dénombrables ou non dénombrables. Par exemple, on retrouve cette distinction pour parler d'un animal vivant ou de la viande de cet animal. Par exemple, un agneau qui court dans un pré, se dit « a lamb ». Ça s'écrit « L-A-M-B », mais le « B » final ne se prononce pas. Tandis que la viande d'agneau, c'est « lamb » tout court et toujours au singulier. Alors, je pense que vous pourriez difficilement « eat a lamb », manger un agneau, et encore moins « eat lambs », manger des agneaux. En revanche, vous apprécierez sans doute de manger de l'agneau, « to eat lamb ». Alors, vous comprenez bien la différence, hein? Donc, « j'ai acheté de l'agneau », ça se dira « I bought lamb ».« I bought lamb », oui, de l'agneau, de la viande d'agneau et non un agneau. Bien, alors si un poulet c'est a chicken, C-H-I-C-K-E-N, et la forme au passé de to eat est ate, A-T-E, comment direz-vous je n'aime pas le poulet? I don't like chicken. I don't like chicken. Il s'agit bien ici de la viande de poulet. Et si un poisson c'est a fish, F-I-S-H, alors, comment direz-vous « j'adore le poisson » ? I adore fish. I adore fish. Oui, parce que si vous disiez « I adore a fish », alors là, vous risqueriez d'être placé en hôpital psychiatrique. Bon, alors, je crois que vous avez bien saisi la différence entre « fish » et « a fish »,« chicken » et « a chicken », etc. Bien, alors, un dernier exemple, cette fois au sujet du mot « work ». Work, tout court, c'est le travail. Mais supposons que vous vouliez dire « j'ai un travail peu commun ». Alors, pour dire « peu commun », on emploie le même mot que pour dire « inhabituel », que nous avions vu dans la première partie et qui se traduisait « unusual ».« Unusual », qui est donc le contraire de « usual », qui signifie « habituel »,« commun ». Et pour parler d'un travail peu commun, on ne va pas pouvoir employer le mot work parce qu'ici, il s'agit d'un travail. Alors, quel était l'autre mot pour dire travail? Job. Job, c'est ça. Alors maintenant, je vous laisse traduire, j'ai un travail peu commun. I have an unusual job. I have an unusual job. En fait, a work existe bien en anglais, mais il a un sens complètement différent puisqu'il sert à désigner un ouvrage ou une œuvre. Par exemple, comment traduirez-vous « c'est un ouvrage sur Sartre » Sur, ici, se traduira about, A-B-O-U-T, qui veut dire au sujet de. Alors, c'est un ouvrage sur Sartre. It's a work about Sartre. It's a work about Sartre. Et bien sûr, cette acception de work fonctionne aussi au pluriel. Par exemple, si complet se dit complete, C-O-M-P-L-E-T-E, comment dira-t-on « il a lu les œuvres complètes de Shakespeare » Alors, vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas qu'on retrouve la même forme du verbe « to read » aux deux formes du passé, celle sans « to have » et celle avec « to have ». C'est « read ». Alors, ça s'écrit comme le verbe « nu », c'est-à-dire « r-e-a-d », mais ça se prononce « read ». Alors, comment traduirez-vous, en employant la forme du passé avec « to have »,« il a lu les œuvres complètes de Shakespeare » He has read the complete works of Shakespeare. He has read the complete works of Shakespeare, c'est ça. Alors, ça fait pas moins de 39 pièces et 155 sonnets.